Il y avait une paumée dans le bus ce matin. Elle m'a demandé des cigarettes. Elle avait l'air habillée sur une robe toute complètement à l'ouest. Et carrément, à boire un chez elle. Elle était pas sale. Il y a quelqu'un qui n'a pas les moyens de se laver. Elle m'a demandé une cigarette. Elle avait une veste en cuir. Elle était pas aisée. Elle a passé son chemin. Et ensuite, elle a pris sa danse. Elle n'avait rien à faire. C'est une fille que je serais dans le quartier. Elle s'est mis pile en face de moi. Jusqu'à ce que je suis venue. Il y a vraiment des gens en instinct grégaire assez insupportables dans cette ville. Paris.